16.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Le jardin du Luxembourg, à Paris, par une belle journée de printemps. Il y a des fleurs, des petits oiseaux, il fait beau, mais il y a quelques nuages. Un jeune homme, brun, assez grand, sympathique, est assis sur un banc. Il parle avec une petite fille qui tient un bateau. Ce jeune homme n'est pas français. Il est en France depuis 2 jours. Au loin, une jeune fille arrive. Il y a des fleurs, des petits oiseaux. Il y a des fleurs. Des petits oiseaux. Il fait beau. Qu'est-ce qui indique que c'est le printemps au jardin du Luxembourg? Il y a des fleurs, des petits oiseaux. Un jeune homme est assis sur un banc. Un jeune homme est assis sur un banc. Un jeune homme est assis sur un banc. Il parle avec une petite fille qui tient un bateau. Il parle avec une petite fille. Il parle avec une petite fille qui tient un bateau. Où est le jeune homme brun et sympathique? Sur un banc au Luxembourg. Qu'est-ce que la petite fille tient? Un bateau. Tiens, voilà ma soeur qui revient. Bon bah moi je m'en vais. Je vais profiter du vent quand il y en a. Ouh, elle n'a pas l'air contente ma soeur. Quand je lui ai dit que maman la cherchait tout à l'heure, c'était pas vrai. C'était une blague. Vous n'y dites rien, hein? Mystère et boule de corne. Tiens, voilà ma soeur qui en vient. Bon, eh bien moi, je m'en vais. Je m'en vais. Je vais profiter du vent tant qu'il y en a. Je vais profiter du vent. Je vais profiter du vent tant qu'il y en a. Pourquoi est-ce que Marie-Laure veut s'en aller? Parce qu'elle veut profiter du vent, tant qu'il y en a. Ouh, ma sœur n'a pas l'air contente. Elle n'a pas l'air contente. Quand je lui ai dit que maman la cherchait, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Quand je lui ai dit que maman la cherchait, ce n'était pas vrai. C'était une blague. C'était une blague. Est-ce que c'était vrai que Madame Bellou cherchait Mireille tout à l'heure? Non, ce n'était pas vrai.